De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et je suis maintenant en compagnie d'Anthony Bertrand-Grenier, qui est étudiant au doctorat en épistémologie et auteur d'un livre intitulé Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Et si je l'ai invité aujourd'hui, c'est pour faire le point sur certains mots ou expressions propres à la recherche scientifique, mais utilisé également dans le vocabulaire courant avec un sens quelque peu différent. Par exemple, les mots hypothèse ou théorie. Donc, on va décortiquer tout ça. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Je suis ravie de te accueillir à nouveau au micro de Futur Simple. Tu nous as déjà Oui, avec parlé plaisir. de plusieurs aspects de chapitres de ton livre. Ben là, aujourd'hui, on va décortiquer quelques mots donc de la science, mais avant d'en arriver aux hypothèses et théories, ben, on va partir du départ en se demandant qu'est-ce que c'est la science? C'est quoi la science? On pourrait voir la science un petit peu comme un ensemble de méthodes rigoureuses qui nous permet d'acquérir des connaissances ou du moins de se rapprocher de la vérité, et ça par l'observation et l'expérience. Donc, c'est grâce à la science qu'on sait que la Terre est ronde, que le Soleil est une étoile ou que le sida est produit par un virus. Puis la science, c'est un niveau supérieur de connaissances parce que ça intègre aussi la compréhension. On essaie de comprendre les phénomènes qui nous entourent, puis ça s'oppose à, disons, la simple croyance Ah oui. intuitive qu'on pourrait avoir, là. Mais pour autant, j'imagine que la science a quand même des limites. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est sûr, étant fait par des humains, mais les humains nous-mêmes, nous avons des limites, on a nos Ouais. biais, nos perceptions qui peuvent nous jouer des tours. Puis ça a un lien aussi avec la capacité des instruments, ça donne des limites à la science. Mais quand on parle de vraies limites, du moins que quand on en parle, c'est la science se restreint à l'étude des faits et à l'explication des phénomènes, ce qui est observable ou expérimentable. Par exemple, ben, en embryologie, la science nous permet de connaître toutes les étapes de développement de l'embryon jusqu'à la naissance d'un bébé, mais la science, ça peut pas nous dire si l'avortement est bien ou mal. C'est la philosophie éthique qui s'occupe de ça. Donc, connaître la distance entre le Soleil et la Terre, ben, la science peut trouver la réponse, mais justifier ou vérifier si la peine de mort est bien ou mal, ben, ça, la science, ça peut absolument rien dire sur le sujet. Ouais. Donc, de la même façon, les connaissances scientifiques permettent de développer des technologies, mais la science ne dit rien sur l'usage, bon ou mauvais, de ces technologies. Par exemple. Exactement. Donc, ça peut être utilisé par des personnes de bonne intention ou de mauvaise intention. Donc, admettons, quelqu'un de bonne intention va fabriquer une fusée et de mauvaise intention va fabriquer un missile. Mais c'est Ouais. la même chose. Ouais. Une bonne intention va fabriquer un médicament et une mauvaise intention peut fabriquer une Un poison. drogue ou autre chose. Là, Ouais. t'sais, pas un poison, là, mais bon. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait que la science est plus fiable que notre intuition personnelle? Parce que des fois, intuitivement, on a l'impression que ça marche comme ça. Oui, mais en fait, si notre intuition était vraiment fiable, on n'aurait pas besoin de la science. C'est justement parce que notre intuition n'est pas tant fiable qu'on a besoin de la science, là. Mais il y a quatre normes, disons, partagées par la communauté scientifique. La première, c'est le désintéressement, c'est-à-dire les scientifiques, ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à trouver la vérité. Le deuxième, qu'on appelle communalité, c'est les scientifiques doivent de mettre leurs données accessibles. Autrement dit, si quelqu'un nous dit qu'il a inventé un réacteur à fusion dans son sous-sol, mais il veut pas partager ses données parce qu'il veut pas se faire voler l'idée, ben c'est pas scientifique. Un vrai scientifique se doit de publier dans des journaux scientifiques reconnus. Le troisième, c'est scepticisme organisé. Dans le fond, il doit avoir un examen critique par d'autres experts, d'autres scientifiques qui vérifient que le scientifique a fait, le chercheur a fait, disons, la bonne méthodologie. Et la quatrième, universaliste, c'est que le scientifique se concentre sur le contenu et non le contenant. Autrement dit, s'il y a un prix Nobel qui dit quelque chose et un enfant qui dit autre chose, ben, le scientifique, il doit regarder ce qu'ils disent et non qui ils sont. Donc, Ah ça peut oui. être quand même difficile, là, mais c'est. Ouais. Donc, on se concentre sur les preuves et non qui affirme les preuves, si je Ah pourrais dire. oui. Bon, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants et parfois Ah les prix Nobel, quand ils ouais! sortent de leur domaine d'expertise, bah, ils n'ont pas toujours raison. Non, exactement, exactement, Ouais. oui. Alors, si les scientifiques font de la recherche avec ces quatre normes, bon, si on veut, mais faire de la recherche, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben faire de la recherche, c'est d'essayer de répondre à une question, mais de manière rigoureuse. Dans le fond, construisant ou en produisant des nouvelles connaissances. Donc, la recherche, c'est le processus intellectuel par lequel ben, l'être humain, nous-mêmes, on tente de répondre à des questions. Puis la science, c'est la méthode qui est utilisée pour faire de la recherche puis acquérir des connaissances. Donc, si on imagine toutes les connaissances acquises par l'humanité comme une géante bulle, ben, la recherche tente d'agrandir un petit peu cette bulle-là. Puis tant qu'à parler de la recherche, là, il y a une phrase qui revient souvent, c'est faites vos recherches, là. Mais moi, j'aime pas cette phrase-là, là. Je la trouve déplorable. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui savent faire de la recherche adéquatement, c'est-à-dire trouver vraiment les réponses aux questions. Donc, il faut pas dire aux gens faites de la recherche, il faut plutôt leur enseigner à pouvoir faire de la recherche adéquatement, notamment par la science, la pensée critique, se rapprocher de la vérité, puis comment faire une recension des écrits. Mais j'ai l'impression qu'on en vient à ça, là. Et puis, De, mais justement, donc ça veut dire qu'on peut dire aux gens de, parce que quand on cherche, bon, on peut pas, on n'est pas tous dans un laboratoire à pouvoir faire de la recherche, on n'est pas tous des chercheurs. Non, exact, Donc c'est exact. ça. Donc en fait, plutôt que de, quand on dit faire nos recherches, on devrait plutôt, ça veut plutôt dire qu'on cherche parmi les informations Oui, c'est déjà ça, exactement. disponibles. Donc, dans le fond, on C'est va ça. chercher, mais On pas cherche. rechercher. C'est ça, Ça, exactement. Ouais. oui. Donc, parce qu'on n'est pas tous chercheurs, mais on cherche quand Non, même non, ben non, non. l'information. Mais on va Oh chercher oui, c'est ça. l'information, mais on ne va pas Exactement. faire de la recherche qui a permis Au d'avoir sens assez prose, d'informations. Ouais, c'est tout ça. à fait, tout à C'est fait. une Bien nuance d'accord. intéressante. Et en fait, Oui. d'où vient la méthode scientifique et qu'est-ce que cette méthode scientifique implique? La science a été développée au fil des derniers siècles. Ça date de Galilée et Francis Bacon au 17e siècle, mais elle se développe encore de nos jours avec des meilleures méthodes statistiques, par exemple. Puis il n'y a pas de méthode scientifique unique qui garantit le développement des connaissances infaillibles, parce que chaque sous-domaine est différent. T'sais, par exemple, en archéologie, on ne fera pas la même chose qu'en astrophysique, mais il y a des points communs. Puis c'est là que j'en viens, que je voulais mentionner, c'est que voici certaines étapes qu'on pourrait se dire. Donc, une première étape, ben, on se pose une question qui, elle, est testable. T'sais, un exemple de question testable, est-ce que la Lune est plus loin de la Terre que la planète Mars? C'est une question qu'on est capable de répondre. Mais non testable, c'est est-ce qu'un humain a des super pouvoirs après avoir mangé 80 tonnes de champignons? Mais c'est physiquement impossible. On n'est pas capable de manger 80 tonnes de champignons C'est vrai. en une heure, par exemple. Donc, c'est impossible. La deuxième étape, on fait ce qu'on appelle une revue de littérature ou une recension des écrits, c'est-à-dire on regarde sur Internet, dans des bibliothèques scientifiques, quelles sont les informations qui ont déjà été faites sur cette question-là. Par exemple, si je cherche à savoir si l'homéopathie est efficace contre les douleurs articulaires, ben, je vais regarder dans les bibliothèques scientifiques, homéopathie, douleurs articulaires, s'il y a déjà de la recherche là-dessus, parce que très souvent, il y a déjà de la recherche là-dessus. Troisième étape, on élabore une hypothèse. Ah voilà, donc cette fameuse hypothèse là, donc mais dans le langage courant, quand on parle d'hypothèse, bah, c'est un peu dans le sens supposition, de spéculation. Donc est-ce que l'hypothèse qu'on fait donc comme troisième étape de la méthode scientifique a cette même idée de spéculation? Non, pas exactement. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, une hypothèse, c'est une supposition, mais en science, elle a trois caractéristiques clés. Un, elle doit être explicite, c'est-à-dire que elle doit spécifier les éléments qui vont être testés, comment ils vont être testés, puis ça va être quoi le résultat qu'on va s'attendre. Donc, par exemple, on donne des exemples de la vie de tous les jours, là. Mon chat est souvent malade, ben mon hypothèse, c'est qu'il doit être allergique à sa nourriture. Donc, je vais changer sa nourriture pour une nourriture hypoallergène pendant quelques semaines. Donc, s'il est plus malade, ben, c'était probablement en lien avec la nourriture. Mais s'il est encore malade, ben, je vais devoir trouver autre Ok, chose. Donc, ça veut dire que j'élabore une hypothèse l'hypothèse de départ explicite. était, Exact. La deuxième chose, c'est qu'elle doit être vérifiable, c'est-à-dire on doit pouvoir l'observer ou la mesurer. Tu sais, je suis pas capable de tester l'hypothèse qu'il y a une conspiration secrète, étrange, que je suis pas capable de visualiser. Et la troisième, c'est qu'elle doit être réfutable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir établir un résultat qui permet de rejeter l'hypothèse. Avec mon exemple de chat, je vais être capable de dire est-ce que c'était vraiment la nourriture ou non qui causait ça. Disons, qui était malade. La quatrième étape, disons, de faire de la recherche, c'est l'expérience. Puis là, justement, à propos d'expérience, bon, on dit parfois qu'un énoncé est basé sur des preuves, donc un énoncé ou un fait, bon, telle chose et telle connaissance est basée sur des preuves. Donc, est-ce que c'est justement par l'expérience qu'on acquiert ces preuves? Oui, on pourrait voir ça comme ça, disons, la combinaison de l'expérience avec l'étape suivante qui est l'analyse, mais oui, on pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, l'expérience, c'est que ça nous permet de tester l'hypothèse en collectant des données, puis chacune de ces données-là, on peut appeler ça des éléments de preuve, si on Ah pourrait ouais. dire. Une expérience, ça peut avoir lieu partout, là. J'ai l'exemple du chat, là. Donc ça peut être chez nous, ça peut être dans un laboratoire, ça peut être sur la planète Mars, ça peut être dans un lac en Arctique, là. Mais ça, c'est plus les scientifiques, là. C'est pas dans la vie de tous les jours qu'on va faire ça. Non. Mais bon, la cinquième étape ensuite, c'est l'analyse des résultats obtenus par les expériences. Donc je vais donner un exemple. Si on teste un produit pour vérifier si le produit accélère la croissance des plantes, ben on doit vérifier que c'est bel et bien le cas. Donc admettons, on a pris 300 plantes, 100 qui ont le produit, 100 qui ont un produit placebo, puis 100 qui n'ont pas de produit du tout, puis on regarde la différence entre les trois. Mais dans le fond, la différence entre les trois, la grande difficulté de la science, c'est que ça se peut que le produit augmente la croissance de la plante, mais peut-être j'en ai pas mis assez. C'est peut-être qu'il fallait mettre 10 millilitres par jour au lieu de 5 millilitres par jour, ou peut-être que ça fonctionne pas pour du trèfle, mais ça va fonctionner pour du laurier, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'en science, il y a énormément de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, puis c'est pour ça qu'on accepte une hypothèse temporairement en science. Parce que, ben moi, mon protocole, il peut ne pas être parfait, je peux avoir fait des erreurs. Puis plus on va avoir, disons, là, j'ai donné un exemple de 300 plantes, mais si quelqu'un avait fait une recherche avec 10 plantes, ben il n'y aurait pas eu beaucoup de données, disons. Donc, on n'aurait pas pu confirmer l'hypothèse vraiment adéquatement. Et c'est pour ça que des fois, dans les médias, on peut voir des titres un peu contradictoires. Je vois tellement de titres sur le café, là. Ah, les bienfaits du café, les méfaits du café, le stress, le café, les crises du cœur. Donc, c'est pour ça que des fois, il peut y avoir tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que on peut avoir des nouvelles données qui vont, disons, réfuter l'hypothèse d'avant parce qu'on a acquis une puissance statistique plus grande, si je pourrais dire. Et une étape finale que je pourrais dire, c'est que un peu comme j'ai dit tantôt, il doit avoir un examen par les pairs, il doit avoir, à la suite de nos analyses, ben, d'autres personnes qui vérifient que ce qu'on a fait, c'est correct. Ah oui, c'est ça. Puis dans le cas du café ou autre, par exemple, c'est vrai qu'il faut comprendre dans quelles conditions, dans quel contexte l'expérience a été faite et puisqu'il a été Tout fait à fait. en mesurant telle donnée ou pour Oui. telle personne ou avec tel modèle, Exact. ne le sera pas Exact. forcément dans un autre Exact. cas. Pour quelle population, quelle Ouais, c'est ça. personne? Ouais, Ouais, ah oui, c'est c'est ça. Il y ça. a Donc tout ça, c'est tout pour ça. ça que c'est compliqué. Puis il faut avoir beaucoup de pièces du puzzle pour arriver à se faire une image plus globale. Exactement, C'est pas exactement. simple. Donc on va poursuivre un petit peu parce que la science s'appuie aussi sur des principes. Bon, on connaît le principe d'Archimède, le principe d'incertitude, les principes de la thermodynamique, mais je me demande quelle est la valeur de ces principes. Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est des choses qui sont des ces principes scientifiques sont des principes bien établis? Parce que dans le langage courant, quand on dit en principe, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr. Donc est-ce qu'il y a une différence? On est quand même plus sûr en science que au niveau quotidien, mais oui, un principe scientifique, on n'est jamais absolument certain parce qu'en science, tout est provisoire, mais tout est quand même robuste. C'est-à-dire qu'on a certains principes, certaines lois ont été faites, mais qu'on a trouvé, on a découvert, justement parce que on avait suffisamment de données pour dire oui, ça serait un principe scientifique comme le principe d'Archimède, le principe d'incertitude, le principe de la thermodynamique. Donc, ça serait un petit peu ça. Donc, c'est quand même pas certain dans l'absolu, mais c'est quand même beaucoup plus solide que dire ah, oh, en principe, moi, je pense telle affaire, par exemple. Ça reste un petit peu subjectif là dans la vie de tous les jours quand on dit Oui, c'est ça en principe exactement. il devrait pleuvoir cet Oui. après-midi ou... Alors, mais les principes scientifiques reposent quand même donc sur des observations qui ont été Exact. répétées, répétées, répétées. Tout Mais à fait. comme tu dis, c'est provisoire C'est jusqu'à preuve du provisoire, oui. contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Là, Jusqu'à preuve du contraire. tu as parlé de lois aussi. Donc, la Oui. science s'appuie sur des lois. Donc, il y a les lois de Kepler, les lois de Newton. Est-ce que ces lois sont des constructions humaines comme les lois juridiques? Ou est-ce que, parce que bon, les lois juridiques, bon, chaque pays établit ses lois, puis c'est vraiment des constructions humaines. Mais là, est-ce que les lois scientifiques, donc, ça correspond aussi à des faits scientifiques avérés? Oui, ça correspond effectivement à des faits scientifiques avérés, là. Les lois scientifiques, c'est pas la même chose que les lois juridiques. On les invente pas, on les découvre. Donc, dans le fond, c'est les lois, c'est des modèles Très souvent, ils vont être exprimés mathématiquement, mais c'est pas toujours le cas, mais ils vont décrire des régularités dans la nature. Donc, par exemple, l'accélération d'un corps varie inversement avec sa masse, ben, ce serait une loi. Toutes les plantes contiennent la chlorophylle aussi, tous les métaux conduisent l'électricité. Il n'y a pas toujours du mathématique là-dedans, mais il y en a quand même souvent. Mais ce serait pas une loi de dire, mettons, ce morceau de métal conduit l'électricité. Une loi, ça doit être universel. Ça inclut tous comme l'exemple de dire que tous les métaux conduisent l'électricité, ce serait une loi. Et comment ça pourrait être réfutable? Ben, à un moment donné, si jamais on trouve un métal qui ne conduit pas l'électricité, ben la loi, elle va être tout simplement révisée, réfutée, et on va essayer de trouver autre chose. Mais c'est quand même plus solide qu'une loi juridique, parce qu'une loi Oui, tout à juridique, fait, tout à fait. on peut les amender, on peut les défaire, on peut un peu Oui, jouer avec, alors qu'une loi scientifique, on La peut. loi scientifique va être la même au Japon, en Afrique du Sud et au Canada, là. Oui, Donc, c'est ça. En plus. Exactement. Et les théories dans tout ça, qu'est-ce que c'est par rapport aux lois et aux principes? Est-ce que c'est ouais. un niveau de, je sais pas, de certitude ou d'avancée vers la connaissance? Oui, ben dans le fond, si on prend l'exemple d'une pomme qui tombe d'un arbre, ben le fait qu'une pomme est tombée de l'arbre, c'est le fait. La loi, c'est la relation mathématique qui permet de calculer la vitesse à laquelle la pomme tombe. Puis la théorie, c'est la relativité générale d'Einstein qui nous permet d'expliquer le phénomène. Donc les trois sont quand même reliés, si on peut dire. Puis lorsqu'on n'avait pas d'explication du fait que la pomme tombait de l'arbre, ben là, on avait fait des hypothèses à l'époque, il y a quelques centaines d'années. Puis il y a eu Aristote, il y a eu Newton, là, il y a eu Einstein. Mais dans le fond, c'est toutes ces hypothèses-là ont été testées. Puis quand ils fonctionnaient pas, ils ont été éliminés. Et celles qui représentaient le mieux la réalité, ben, ont été retenues, puis à un moment donné, ça devient une théorie. Ok, donc celles qui correspondent à la réalité ont été mises en équation, ça a fait des lois. Oui, Ensuite, c'est on a ça. compris, on a une compréhension de ce qui se passait, et là, on a une théorie qui nous permet de faire des prédictions sur la chute des corps. Oui, exactement, Ouais, ce que exactement. la Oui. loi ne permet peut-être pas de faire. Non, la loi fait juste expliquer la régularité de la nature. Donc, elle va dire, ben, la pomme va tomber à une vitesse de ta ta ta ta ta ta, et elle va accélérer de telle façon. Mais la théorie nous permet d'inclure l'explication de pourquoi la pomme tombe. Ah, Ce qui ouais. est différent de la loi, qui peut être probablement juste très souvent juste une formule mathématique dans beaucoup de cas. Descriptive, descriptive de Oui. ce qu'on Oui. observe. Ouais. Donc, dans le langage courant, quand on dit en théorie, ça suggère quelque chose d'hypothétique, d'incertain, alors que en science, quand on parle de la théorie de Newton, ou la théorie de Darwin, ou la théorie de la relativité générale plutôt, là, on n'est pas dans l'incertitude. Là, on n'est plus dans l'incertitude, on n'est plus dans l'incertitude, on n'est plus dans l'hypothèse. Oui, exact. Mais dans le fond, dans le langage courant, en théorie, ça veut quasiment dire qu'on n'est pas sûr, effectivement. Mais en science, c'est vraiment l'inverse. Au sens que une théorie, c'est ce qu'on a de plus solide comme explication. Tu sais, la théorie de Charles Darwin, c'est pas juste une simple hypothèse, c'est vraiment un grand cadre explicatif très robuste. Puis la théorie scientifique, c'est pas une supposition. Elle a, disons, survécu à des milliers de tests sans jamais être réfutée. Puis c'est la plus haute échelle de preuve que l'humain a pu trouver pour décrire la réalité. Une théorie, c'est un consensus scientifique, ce qu'on appelle. Dans le fond, c'est là que toutes les données pointent sans jamais être réfutées. Donc, dans le fond, c'est que si j'avais à définir c'est quoi une théorie, ben, c'est une proposition qui fournit une explication d'un phénomène de façon universelle, un peu universelle parce que ça explique tout du phénomène. C'est aussi fondamental. Pourquoi? Parce que une théorie est capable de tout expliquer seule. Elle n'a pas besoin d'autres théories pour expliquer. C'est la théorie de l'évolution, n'a pas besoin de la théorie de la relativité pour expliquer l'évolution du vivant, tout comme la relativité n'a pas besoin de l'évolution pour comprendre la gravité. Puis, ces théories-là ont passé à maintes reprises les tests de la science, comme j'ai mentionné, sans être réfutés. Donc, peut-être qu'ils vont être réfutés un jour, parce que la science, ben, c'est un processus itératif par lequel toutes les informations sont continuellement révisées. Puis, ça se peut qu'à un moment donné que ça change. On l'a vu, mettons, avec la théorie de Newton. Elle a été réfutée par celle d'Einstein, mais la celle de Newton a décrit quand même encore bien la réalité, mais celle d'Einstein est encore beaucoup plus précise, beaucoup mieux faite, si on peut dire. Donc, on pourrait dire que la science nous permet d'avoir la meilleure description de la réalité avec notamment la théorie, comme nous, êtres humains, on la perçoit à une époque donnée. Donc, ce n'est pas impossible que dans 100 ans, on ait une meilleure description de la réalité que les théories actuelles, mais actuellement, c'est vraiment la plus haute échelle de preuve qu'on peut avoir. Donc, c'est très différent la théorie scientifique versus quelqu'un qui va dire, ah, j'ai ma petite théorie là-dessus. Non, tu peux avoir ton scénario, ton hypothèse, mais tu n'as pas ta théorie scientifique, si on pourrait Ah ouais, dire. puis même s'il a son hypothèse, cette personne-là va-t-elle faire la recherche en suivant les différentes étapes pour C'est vérifier ça, exactement, son exactement. Oui, oui, hypothèse? oui. Donc Oui. c'est intéressant toutes ces petites nuances parce que je pense que des fois on a tendance un peu à confondre les différentes significations dans le langage courant Oui, et tout dans le à fait, tout langage à fait. scientifique et donc apprendre pour des réalités ce qui n'en est pas nécessairement. Donc quand on Exact. dit, Ouais, on bon, en pourrait voir ça théorie, comme c'est ça. comme ça, ou c'est l'hypothèse, ben, peut-être que des fois, c'est pas les théories ou l'hypothèse dans le sens scientifique. Il faut savoir faire cette distinction pour ne pas prendre des affirmations gratuites. Exact. Si on pourrait dire la théorie, c'est le consensus scientifique, c'est la haute échelle de preuve. En dessous, on a l'hypothèse qui, elle, se doit d'être testée. Et si on n'est pas capable de le tester en dessous, mais que ça semble représenter la réalité, on appelle ça un modèle. Comme il y en a qui vont appeler ça la théorie des cordes, mais ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un consensus scientifique. Moi, j'appelle ça un modèle des cordes. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune donnée qui nous permet de confirmer que ça fonctionne. Puis ce n'est même pas une hypothèse parce qu'on n'est pas capable de la tester, parce que c'est trop difficile. C'est trop petit là, de dire que l'idée qu'il y a des petites cordes qui vibrent à infiniment petit, là, c'est un beau modèle, mais ce n'est pas une hypothèse ni une théorie. Ouais, puis c'est un modèle, donc la théorie des cordes, mais qui vient, il y a un autre modèle concurrentiel, là, de la gravitation quantique à boucle, je crois. Oui, Donc il y en a quelques-uns, tout à les deux, fait. Là, j'ai ouais, donné il y a plusieurs l'exemple des modèles cordes comme parce ça qui se font un petit peu concurrence, et pour l'instant, bah, les astrophysiciens, ou en tout cas tout ce monde-là, Oui, ça, pour le moment, on ne le sait pas. On ne le on sait n'a pas le pas. consensus en ce moment pour le Non, moment. non, non, pas du C'est tout, ça. pas On du n'est tout. pas encore arrivé au consensus pour arriver à une théorie qui englobe tout ça. Exact. La science est en mouvement. Bah, merci beaucoup, Anthony, pour Ça tous fait ces plaisir. éclaircissements. Ça, je trouve qu'elles sont nécessaires. Donc, je rappelle que Anthony Bertrand Grenier est étudiant au doctorat en épistémologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et auteur d'un livre intitulé Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Merci, Anthony. Merci Valérie. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine. Il sera question de naines brunes, ces corps célestes qui ne sont ni des étoiles ni des planètes, et il sera aussi question de l'effet des changements climatiques sur les ravageurs forestiers. Et maintenant, eh bien, je vous souhaite une belle soirée en voguant sur les ondes de CKRL 89.1. Mais je n'appartiens à personne et personne jamais ne pourra me garder. Écoute la chanson de l'homme que tu aimais et qui t'aimait. Elle est triste, elle est monotone, elle est comme elle est. Tu faisais un drôle de visage. L'amour pleurait, il regardait tous les bagages, il suppliait. Je ne veux pas de ce voyage, il sanglotait et il poussait des cris de rage, il comprenait. Il savait qu'il allait mourir, et toi tu l'as laissé mourir à tout jamais. Écoute la chanson de l'homme que tu aimais et qui t'aimait. Elle est triste, elle est monotone. Qu'est-ce que ça fait? Elle est comme elle est. Comme on est. Moi je n'appartiens à personne. Et comme la feuille d'automne, le vent de l'amour vers un autre amour un jour m'a emporté. Mais je n'appartiens à personne et personne jamais ne pourra me garder. Écoute la chanson de l'homme que tu aimais et qui t'aimait. Elle est triste, elle est